Bled rempli de dettes, boule crouche, son petite nuisette, peinard avec une petite cadette. Viens dans la tête, rien que pour la fête. Rien n'est gratuit, tout s'achète. Bled rempli de dettes, boule crouche, son petite nuisette. Votre éclat-toi le cerveau, rempli de chichets de zettes, l'Algérie comme une vitrine de tête, comme des noisettes explosées, dosées, posées, ça paye très chic. La population couvre de sales maîtres, essuyez la vitrine comme ils le sont de droite à gauche, comme ils le sont en louange, pour que tu comptes sous au fond de ta poche, sans la cloche. Des 13 siècles, tous ont une maîtresse vie, tout est aride, bel système subit, à qui parler, dit. À qui parler, à qui pleurer. Tout le monde est à l'écoute, oreille ouverte, parole virée dans la voûte. Parce que c'est dans la fin, problème défiguré. Sur le visage au sein, ouais, je m'expliquerai. À qui parler, à qui pleurer. Tout le monde est à l'écoute, oreille ouverte, parole virée dans la voûte. Parce que c'est dans la fin, problème défiguré. Sur le visage au sein, ouais, je m'expliquerai. C'est comme t'étais du sang à boire mal alors que ça fait du bien. C'est comme t'étais du sang à boire mal alors que ça fait du bien. Brababababababa, tchiki tchika bambou. Rien dans la tête, rien que pour la fête. Rien n'est gratuit, tout s'achète. Le bled rempli de dettes, boule crouche, en petite nuisette, peinard avec une petite cadette. Rien dans la tête, rien que pour la fête. Rien n'est gratuit, tout s'achète. Bled rempli de dettes, boule crouche, en petite nuisette. Sans sa mère charnelle, elle qui te guide et qui t'évite l'enfer. Le père a été chassé, critique, guidé les choses, chaque cycle de vie. Quand tu te noies, il te ramène. On a endormi le peuple, stop au tchervi, stop au kif, stop aux autres là, stop au hashish. Le peuple comme le taureau à la corrida, comme on pourrait être autour d'une tombe. À qui parler, à qui parler, à qui parler, à qui pleurer. Tout le monde est allé tout au rêve vers parole. Finir dans la voûte, parce que c'est dans la fin. Problème défiguré, sauter du sang au sein, ouais, je m'expliquerai. À qui parler, à qui pleurer. Tout le monde est allé tout au rêve vers parole. Finir dans la voûte, parce que c'est dans la fin. Problème défiguré, sauter du sang au sein, ouais, je m'expliquerai. C'est comme t'étais du sang à boire mal alors que ça fait du bien. C'est comme t'étais du sang à boire mal alors que ça fait du bien. Wow, wow, wow, ooh, yeah. Rien dans la tête, rien que pour la fête. Rien n'est gratuit, tout s'achète. Le bled rempli de dettes, boule crouche, son petite nuisette, peinard avec une petite cadette. Rien dans la tête, rien que pour la fête. Rien n'est gratuit, tout s'achète. Bled rempli de dettes, boule crouche, son petite nuisette. We'll be right back. chef, les salauds se suivent. De ceux qui nous guident, la plupart kiffent. Attends, tu ouvres la bouche, on te taille les dents. Bobby la dorme, il dit le cachet au diazépan. Attends, moi, au tournant quand je faute. Pourquoi les filles sentent la ravane et les miens puis les chiottes, nous on se date. Puissance du cœur, pas de beau, pas de beau, pas de beau parleur. Brababababagatum, à qui parler-t-il, à qui parler-t-il? À qui parler, à qui pleurer? Tout le monde est à l'écoute, oreille ouverte, parole, fini dans la voûte. Est-ce dans la fin, problème de figurer? Sauter du salon, c'est un ouais, je m'expliquerai. À qui parler, à qui pleurer? Tout le monde est à l'écoute, oreille ouverte, parole, fini dans la voûte. Est-ce dans la fin, problème de figurer? Sauter du salon, c'est un ouais, je m'expliquerai. T'es du sang, avoir mal alors que ça fait du bien. C'est comme t'es du sang, avoir mal alors que ça fait du bien. Wow, wow, wow, ouh, yeah.